Quand l'Esprit de Dieu nous met au défi d'accomplir son œuvre, il prend la responsabilité de nous équiper pour appliquer ce qu'il nous révèle. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Je n'ai besoin de personne, je suis capable de le faire tout seul. Nous avons tous probablement exprimé cette pensée à un moment donné de notre vie. Et bien que nous devrions certainement assumer nos responsabilités pour certaines choses, Charles Stanley avertit aujourd'hui les croyants du danger que représente une attitude d'indépendance à l'égard de Dieu. Lorsque nous tentons d'accomplir une œuvre pour Dieu par nos propres forces, nous récoltons fatalement la frustration et l'échec. Mais rien ne nous y oblige. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous pour être notre compagnon fidèle. Il est toujours disponible pour nous assister. Nous concentrerons aujourd'hui notre attention sur le fait que le Saint-Esprit est notre guide. Voici Charles Stanley. Combien de fois avez-vous médité des versets bibliques en pensant « J'aimerais tellement comprendre. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. » Ou peut-être se trouve-t-il une Bible quelque part sur un rayon de votre bibliothèque que vous ne lisez jamais. Vous avez déjà essayé, mais le contexte culturel vous semblait tellement éloigné de votre réalité quotidienne que vous avez remis cela plus tard. Peut-être même avez-vous souhaité avoir quelqu'un pour vous aider à comprendre cet étrange livre. Nous allons aborder ce sujet dans le message d'aujourd'hui qui s'intitule « Notre guide ». Car, voyez-vous, Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Il ne se contente pas de nous livrer un témoignage objectif de qui il est grâce à la Bible, mais il nous accorde également un témoin subjectif de qui il est grâce au Saint-Esprit. Dieu se révèle donc à nous de l'extérieur par l'entremise de nos facultés intellectuelles grâce à sa parole et de l'intérieur par l'entremise de notre cœur grâce à son Saint-Esprit. Les deux, la Bible et le Saint-Esprit, se complètent, sont codépendants et absolument essentiels pour obtenir une compréhension équilibrée de la nature de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous guide dans la vérité de la parole de Dieu, si toutefois nous le lui permettons. Ouvrons maintenant notre Bible dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Nous sommes à la veille de la crucifixion de Jésus, au moment où il révèle à ses disciples certaines de ses vérités les plus précieuses. Jean chapitre 14, les versets 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Sautons quelques pages jusqu'à Jean chapitre 16, versets 12 à 15. Avant son départ, Jésus prépare la succession. Il a enseigné à ses disciples de l'extérieur par ses paroles et ses actions. Et maintenant, il les prépare à la venue de son Saint-Esprit qui les guidera de l'intérieur. Les versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus connaît ses disciples. On peut voir son amour et son souci sincère pour eux. Il leur est tant de choses importantes à leur dire, mais ils ne sont pas encore prêts et ils ne pourraient pas le comprendre. Les prochaines heures seront déjà assez mouvementées. Ils verront en effet leur maître, dont ils connaissent la puissance, se laisser inexplicablement crucifié. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il prendra le relais, au point où les seules facultés intellectuelles s'avéreront insuffisantes et il les conduira dans toute la vérité. La parole de Dieu nous apprend que le Père Céleste a envoyé le Saint-Esprit sur la terre pour nous enseigner. Il ne fait pas seulement cela, mais cela fait partie de sa description des tâches. Quand l'Esprit de vérité vient, Il nous conduit dans la vérité et il nous enseigne toutes choses. Car Dieu envoie son Saint-Esprit pour instruire tous les croyants. Nous pourrions prendre presque toutes les pensées et les actions d'un croyant et retracer en elles le ministère d'enseignement du Saint-Esprit. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour nous instruire et nous guider. Vérifions maintenant les références du Saint-Esprit, car après tout, étant donné toutes les sectes qui existent, les abuseurs spirituels et les gourous de tout acabit, il n'est pas sage de nous laisser instruire par le premier venu, n'est-ce pas? Dans le monde où nous vivons, la prudence est de rigueur. En quoi le Saint-Esprit se montre-t-il qualifié et compétent pour enseigner les choses de Dieu? Premièrement, et ce n'est pas dédaigné, il est lui-même Dieu. Il est une des personnes de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On remarque en passant dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 26, qui a authentifié ces références? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Le Père, première personne de la Trinité, envoie au nom de Jésus, deuxième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Voilà, la Trinité au complet se trouve dans ce verset. Jésus dit dans Jean chapitre 14, les versets 9 et 10, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Et toujours dans l'Évangile selon Jean, cette fois, chapitre 16, verset 15, nous lisons. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il, en parlant du Saint-Esprit, prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Aussi ce qu'une des personnes de la Trinité sait, les deux autres le savent aussi. Nous disposons donc d'un instructeur qui connaît tout. Il nous enseigne les voies de Dieu en connaissant toutes les réponses. Qui d'autre, sur la surface de cette terre, peut en dire autant? Cet instructeur spirituel est donc pleinement qualifié pour m'aider, qu'il s'agisse de comprendre un passage compliqué des Écritures ou de comprendre une situation ou une circonstance délicate ou pénible dans ma vie. Car Dieu peut permettre, dans ma vie, certaines choses qui ne sont pas évidentes, surtout quand elles compromettent mon confort personnel. Je peux alors m'attendre à ce que le Saint-Esprit me donne la force de comprendre pourquoi Dieu agit ainsi. Il est mon consolateur. Comme nous sommes bénis d'avoir ce merveilleux Saint-Esprit, cette personne de la Trinité que Dieu a envoyée pour nous aider à comprendre ses voies, le Saint-Esprit nous est avant tout envoyé pour nous enseigner des choses très précises. Beaucoup de gens s'intéressent aujourd'hui au Saint-Esprit dans le cadre de la louange, des dons spirituels et ainsi de suite. Mais toutes ces choses sont secondaires par rapport au travail initial du Saint-Esprit. Il vient nous enseigner pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de gens se laissent déconcentrer, car au lieu de le voir comme leur instructeur qui est prêt à les aider à comprendre la parole de Dieu, ils préfèrent le voir comme celui qui va leur procurer des sentiments et des sensations. Or, rien dans la Bible ne laisse nécessairement penser que le Saint-Esprit se préoccupe particulièrement de nos sentiments. Par contre, il s'intéresse de près à notre bonne compréhension des natures de Dieu le Père, du Fils et de la sienne, ainsi que des particularités de notre marche chrétienne. Son programme d'instruction comprend donc un élément précis. Cet élément précis, ce but général et ultime de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie, est tout simplement la transformation de notre vie. Il n'est pas venu en moi pour que je me sente bien. Il n'est pas venu en moi seulement pour m'aider à comprendre ou à mémoriser des versets. Il est venu pour transformer ma vie et la vôtre pour qu'elle ressemble finalement à celle de Jésus-Christ. Voilà son but. Dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 29, par exemple, il est écrit que Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Dieu a prédéterminé. Il a donc prévu depuis très longtemps que nous serions semblables au Christ. Si nous sommes transformés à l'image de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une chose que nous pouvons faire de nous-mêmes. Dieu a conçu et planifié notre vie et les circonstances de notre vie. Il est comme un sculpteur et nous sommes son matériau de base. et il coupe, enlève, sable, cisaille, grave, burine et fait tout le nécessaire pour arriver au résultat final. Il nous unit à notre Sauveur, nous aide à marcher et à expérimenter une profonde intimité avec lui. L'œuvre du Saint-Esprit consiste à nous dévoiler et à nous montrer l'identité de Dieu et celle de son Fils, Jésus-Christ. Comme nous avons devant les yeux ce modèle auquel nous voulons ressembler en ce qui concerne l'amour de Dieu, sa grâce, sa bonté, sa puissance, le Saint-Esprit est à même de nous montrer dans notre vie quotidienne et de faire remonter à la surface ces copeaux indésirables qui déforment ce modèle vers lequel nous tendons. Il nous incite ensuite à nous débarrasser de ces disgracieuses excroissances. La Bible décrit ce processus sous le vocable de sanctification. Le but est de nous faire ressembler au Christ. Comme nous avons devant les yeux le modèle de Jésus dans toute sa splendeur, nous pouvons maintenant nous considérer nous-mêmes sans maquillage et sans fard, tel que Dieu nous voit grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Il peut nous convaincre de péché, de justice et nous aider à franchir les différentes étapes pour arriver au résultat désiré. Le Saint-Esprit est pleinement disposé à nous instruire et à nous enseigner chaque jour de notre vie. Son but général et ultime est donc de transformer notre vie. Nous pouvons maintenant décrire son œuvre de façon plus pointue. Le rôle évangélique du Saint-Esprit, à l'intérieur de sa tâche d'enseignant, est de nous faire comprendre notre relation avec Dieu, notre état de pécheur et comment cet état nous sépare de Dieu. Il nous fait également prendre conscience de notre besoin de Jésus-Christ comme sauveur personnel et nous donne une compréhension limitée de la croix. Nous sommes alors prêts à expérimenter le salut. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous conduire à Jésus. Son deuxième rôle est de nous faire grandir. Cette fonction nous aide à devenir des disciples, car le Saint-Esprit nous donne une compréhension des voies de Dieu. Puisque nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous pouvons marcher dans ses voies. Une grande partie de son ministère consiste à nous enseigner à marcher dans l'Esprit, à entrer en relation avec nos semblables, à avoir une relation intime avec notre Père Céleste, à le servir et à devenir ses disciples. Ce ministère consiste donc à nous faire grandir en Christ, à nous édifier dans les choses divines et dans la personne de Christ. Son troisième rôle est de nous envoyer au nom du Christ. C'est son œuvre missionnaire dans notre vie. Dieu ne nous a pas sauvés seulement pour nous-mêmes. Il nous a sauvés pour être une source de bénédiction pour notre entourage. Il nous a sauvés parce qu'il voulait vivre, travailler et parler à travers nous afin que d'autres personnes puissent parvenir à la pleine connaissance de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, notre instructeur, vise donc des buts spécifiques. Il travaille dans notre vie pour qu'ils deviennent réalité. Pour en revenir aux qualifications du Saint-Esprit, nous avons parlé de sa proximité avec la source d'enseignement. Il nous apprend qui est Dieu tout en étant lui-même Dieu. Cela fait déjà de lui un enseignant hors pair et un instructeur incomparable. Nous, humains, avons une nature déchue et nous vivons dans un monde déchu. Les choses qui concernent un Dieu parfait et infini sont donc complexes et difficilement accessibles à un entendement humain limité. La pensée humaine est incapable de comprendre la pensée de Dieu sans aide. Dieu, dans sa magnifique générosité, ne s'est pas contenté de nous donner sa Bible, mais il est allé beaucoup plus loin que plusieurs d'entre nous peuvent l'imaginer. Il nous a donné un enseignant unique. Le Saint-Esprit a toujours été proche de Dieu de par sa nature, elle-même divine. Le problème était de le rapprocher de l'homme. C'est Jésus qui, une fois retourné près de son Père, nous a envoyé le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7. Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car... si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quand le Saint-Esprit est venu, ce n'était pas seulement pour nous rendre visite, il est venu pour vivre et habiter en nous. Il ne nous enseigne pas à longue distance, mais il est aussi près de nous qu'il peut l'être, à l'intérieur de nous. Une des personnes de la Trinité, le Saint-Esprit, vit à l'intérieur de chaque croyant pour l'instruire et l'aider. Remarquez ce que l'évangéliste Jean nous dit, chapitre 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 9, affirme que le Saint-Esprit habite en nous. Il habite à l'intérieur de tous les croyants et nous enseigne, nous donne la sagesse et la compréhension des voies de Dieu. Le Saint-Esprit est donc à la fois proximité de Dieu et de nous. Il nous enseigne de l'intérieur. Regardons maintenant la première épître de Jean, chapitre 2. L'apôtre écrit à des croyants qui font face à de faux enseignements. De faux enseignants ont acquis une certaine crédibilité dans cette église et l'apôtre Jean doit combattre leur influence en produisant cette déclaration, chapitre 2, versets 26 et 27. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Devons-nous comprendre par ce passage que les croyants qui ont reçu le Saint-Esprit, qui habite maintenant en eux, n'ont plus besoin de personne pour leur enseigner? Et si c'est le cas, pourquoi se donner la peine d'aller à l'église ou d'écouter la radio ou la télévision chrétienne? Après tout, si nous avons l'onction de l'Esprit, nous n'avons besoin de rien d'autre. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Jean dit. Puisque de faux enseignants répandaient la confusion, il leur disait plutôt que parce qu'ils avaient la présence du Saint-Esprit en eux, ils n'étaient pas à la merci des faux enseignants et de leurs enseignements erronés. En réalité, aucun croyant n'est à la merci d'un instructeur ou d'un enseignant, qu'il soit de Dieu ou non. Même s'il est sage d'écouter des hommes de Dieu qui enseignent la vérité, et il est certainement sage d'appliquer ces enseignements, chaque croyant dispose, à l'intérieur de lui, un instructeur qui lui enseignera les voies de la vérité. Et c'est ce même Saint-Esprit qui installe dans chaque croyant un système d'alarme intégré. Si je vous dis quelque chose et que vous savez qu'il ne s'agit pas de la vérité selon la parole de Dieu, une sonnette d'alarme devrait retentir à l'intérieur de vous. Un signal devrait vous être transmis qui dirait ceci: « Un instant, cet enseignement n'est pas vrai. » Et quelle est l'origine de ce signal? L'instructeur, le Saint-Esprit, qui vit à l'intérieur de vous. Il a érigé un ensemble de vérités tellement cohérent en vous, dans votre pensée, dans votre esprit, dans votre cœur, qu'une alarme se déclencherait si vous entendiez une erreur. Pensez aux gens qui ne lisent pas la Bible tellement souvent, ou qui sont instruits par des personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu et qui n'enseignent pas la vérité de la parole de Dieu. Ils enseignent donc beaucoup d'erreurs. Que pensez-vous qu'il arrive à ces gens qui sont assis et apprennent des mensonges semaine après semaine? Quand ils entendent une erreur, il ne se produit rien en eux. Et la raison pour laquelle il ne se passe rien, c'est que tout a l'air correct. Écoutez bien ceci. Satan s'arrangera toujours pour faire paraître l'erreur séduisante, car habituellement l'erreur sera attirante pour la chair. Elle nous paraîtra confortable. Et que fait Satan quand il tente de tromper les gens? Il leur transmet une erreur qui les rend à l'aise et les fait bien paraître. Que se produit-il alors? Il les attire lentement loin de la vérité. Cependant, l'Esprit de Dieu est notre instructeur et il vient pour nous instruire dans les voies de Dieu. Dans le passage précédent, l'apôtre Jean ne dit assurément pas que vous n'avez pas besoin d'enseignant, que vous pouvez vous débrouiller seul et que vous n'avez qu'à vous écouter et écouter le Saint-Esprit. Car, si c'était vrai, il n'aurait jamais écrit cette épître. Regardez ce qu'il dit dans cette même épître, au chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Si Jean avait cru que les gens à qui il envoyait cette lettre n'avaient pas besoin de l'instruction d'un enseignant agréé par Dieu, pourquoi leur aurait-il écrit cela? Il leur donne, dans ce premier chapitre, un enseignement sur le péché. Et le but de l'ensemble de l'Épître est de leur enseigner comment vivre chrétiennement et comment entrer en relation avec un frère qui ne les aime pas et qu'ils ne doivent pas détester. Il les exhorte à aimer en dépit de tout, et toute l'Épître est écrite en ce sens. L'apôtre Jean n'a donc pas voulu dire que seule l'instruction du Saint-Esprit nous était nécessaire. L'objectif de notre instructeur est de nous enseigner la vérité pour que nous comprenions la vérité, que nous marchions dans la vérité, que nous soyons édifiés dans la vérité, car cette vérité concerne les choses de Dieu. Cela mérite réflexion. Dieu nous aime assez pour vivre à l'intérieur de nous par la personne de son Saint-Esprit. Vous ne comprendrez rien des voies de Dieu si vous négligez la présence du Saint-Esprit en vous. Notre Père vous a envoyé cette personne dans le but précis de vous aider à comprendre les choses de Dieu. Vous serez alors en mesure de dire « Oui, je comprends maintenant ce que Dieu veut dire dans ce passage ». Et à mesure que vous vous appuyez sur le Saint-Esprit, vous commencerez à comprendre les passages qui vous échappaient jusqu'alors. Les gens qui ne comprennent pas la Bible la referment parfois pour longtemps. Mais vous ne la comprendrez jamais en la gardant fermée. Et vous ne la comprendrez jamais avant d'avoir appris à dépendre de la personne du Saint-Esprit qui habite en vous. Vous voulez apprendre à vous appuyer sur le Saint-Esprit? C'est très simple. Vous n'avez qu'à dire « Seigneur, j'ai besoin de l'instruction du Saint-Esprit afin qu'il m'enseigne la vérité. Je ne comprends pas ce passage, mais Seigneur, je veux comprendre ce que tu as à me dire. J'ai confiance en toi et je sais que tu m'instruiras dans tes voies. » Dieu ne négligera jamais un appel comme celui-là. Il écoutera votre requête et fera en sorte que le Saint-Esprit accomplisse son œuvre dans votre cœur. Les qualifications uniques d'enseignant du Saint-Esprit s'expriment par un autre aspect. C'est peut-être l'aspect le plus déterminant pour prouver la supériorité de son enseignement. Comparons l'action du Saint-Esprit à celle d'un enseignant humain. Moi, par exemple, je peux vous aider en vous disant « Voici ce que Dieu dit et voici comment appliquer cela ». Au mieux, je peux vous aider en vous disant la vérité et en vous encourageant dans votre cheminement. Mais le Saint-Esprit va beaucoup plus loin. Cet instructeur vit à l'intérieur de vous, et voici ce qu'il vous promet. Quand l'Esprit de Dieu vous met au défi d'accomplir son œuvre, il prend la responsabilité de vous équiper pour appliquer ce qu'il vous révèle. Il ne vous dira jamais « Arrange-toi avec le reste ». Dans l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Il s'agit de Jésus-Christ qui, assis à la droite du Père, nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous permettre de comprendre les choses de Dieu. Nous pouvons alors ouvrir la parole de Dieu, lire les pages des Écritures et dire « Oui ». Pour la première fois, je comprends ce passage. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous permettre de comprendre ce qu'il nous serait impossible de saisir par nos propres moyens et de dire « Oui, je crois cela ». Le Saint-Esprit est celui qui rend les choses plus faciles. Il ne se contente pas de nous présenter la vérité. Il facilite notre compréhension. Et en plus, il nous donne la force de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Nous ne serions jamais capables de faire cela par nous-mêmes. À présent, j'aimerais m'adresser à ceux d'entre vous qui ne sont pas chrétiens. Je veux vous expliquer comment l'Esprit de Dieu travaille dans votre cœur obscur. Si vous êtes prêt à dire « Dieu, je sais que j'ai péché contre toi et je ne comprends pas toutes ces choses, mais je veux vraiment être en règle avec toi. Père, dis-moi ce que je dois faire et ton esprit me donnera une compréhension claire. » Car en ce moment même, le Saint-Esprit se tient près de vous, prêt à vous instruire. Voici maintenant comment vous pouvez faire confiance à Jésus comme votre sauveur personnel. Vous lui demandez de pardonner votre péché. Vous lui dites que vous croyez vraiment qu'il est mort sur la croix pour vos fautes, payant ainsi entièrement la dette de votre péché. Si vous êtes disposé à lui dire de tout votre cœur, « Je crois vraiment que tu es mort pour mes péchés et je te reçois par la foi comme mon sauveur personnel. » Alors, dès cet instant, votre péché est pardonné et le Saint-Esprit entre dans votre vie pour y habiter. Il commencera ainsi à vous enseigner. C'est aussi simple que cela. Et si vous êtes croyant, mais que vous devez admettre que vous ne prenez pas votre Bible que pour aller à l'église, que vous ne la lisez pas tous les jours, qu'elle est un peu poussiéreuse, tout comme votre pensée, et que vous n'êtes plus trop certain de vos convictions, demandez l'aide de l'Esprit-Saint. Il n'attend qu'un signe de votre part. Priez. Demandez à votre Père céleste qu'il vienne à votre aide, par le Saint-Esprit, pour la compréhension de sa pensée de ses saintes Écritures. Et il le fera. Si nous désirons en comprendre plus sur Dieu et sur la Bible, Charles Stanley nous a expliqué que nous devons apprendre à nous appuyer sur l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Jésus-Christ savait bien que ses disciples ne seraient jamais capables d'accomplir leur mission par leurs propres moyens. Et ce n'était pas son intention de leur demander d'essayer. C'est pourquoi il leur dit, dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. » Vous avez faim? Vous avez soif? Votre estomac est vide? Votre cœur aussi? Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.